suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Comédien, le plus beau métier du monde, une série de Julien Thèves réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a le Festival de Cannes, encore et toujours, et aussi les questions qui sont remontées à la surface avec l'affaire Weinstein et cette envie de dénouer les pelotes du désir, de l'envie d'être désiré, de l'envie d'être dirigé, de celle de se donner à un rôle, d'être une marionnette ou bien un corps pensant. Il y a aussi l'envie de questionner le pouvoir des producteurs sur les acteurs, plus souvent les actrices, et celui souhaité et craint du démiurge qu'est le metteur en scène à qui l'on doit plaire. Et aussi ces mille et une vies toujours réinventées. Alors pour commencer, les personnages. Une pute autoproclamée, un acteur qu'on ne reconnaît pas, des assistants corvéables, une comédienne qui compte ses heures, un autre qui voudrait séduire les filles, un vieux de la vieille multicarte, d'anciens délinquants, une actrice avec accent, un acteur qui joue les femmes comme les hommes et un autre qui rêvait de gloire. Ensuite le décor, des tréteaux, des tournées, une gélate, la cuisine, le diable par la queue, la cartoucherie, des parades, la concurrence, la drogue et l'alcool, des tournages, des maisons de correction, Broadway, Hollywood, l'exhibitionnisme, l'ambiguïté et même un pseudonyme. Aujourd'hui, troisième épisode, il y en a qui vivent dans un tournage permanent. Vous connaissez déjà, j'imagine que vous m'avez googlisé. Alors Claude Chabrol et Jean-Luc Godard, Paul Vecchiali, Piala. Et... Ça dépend ce que vous entendez par chercher la lumière. Je crois que c'est grâce à... En fait, c'est grâce à Taxi que les Allemands ont appelé Taxi 2, ils l'ont appelé Taxi Taxi. Et, Taxi 3, et que je me retrouve avec des jeunes gens, des réalisateurs qui ont 30 ans aujourd'hui et qui m'ont vu dans les taxis quand ils avaient 15 ans. La presse m'adore, l'homme de la rue m'adore, les directeurs de chaîne ou les gens, les responsables ont un peu peur parce que peut-être je suis un peu trop pour eux subversif. Les Chinois aussi d'ailleurs. Et Sofia Coppola, et je joue dans pas mal de films américains qui viennent tourner à Paris. Je suis repéré comme un comédien qui parle anglais. Because I lived in London for 10 years. This is why I'm. Mind you, my English is very British. I say better. Most of the French people they say better because of the American movies. Alors là, moi, je suis très relations publiques, je suis très Festival de Cannes. Moi, j'étais conçu dans un palace. Hein. Mes parents ont fait l'amour au Negresco à Nice. Donc, les palaces, le caviar sur mon champagne, moi, ça me fait pas peur. Hein. Il y a un champagne qui s'appelle le Bouvet, d'ailleurs, qui est là. Donc, à Cannes, j'ai le stand Bouvet, comme ça. Donc, les palaces, les assistants personnels, les voitures avec chauffeur, les gardes du corps. J'ai fréquenté des hauts fonctionnaires, dont je dirais pas les noms, quand j'avais 18 ans. Et oui. Mais je réponds à quelle question, là? Et là, je me tourne vers mon PA, Briac, qui souffle. Vous avez un assistant, donc... C'est le personal assistant. Enfin, j'en ai même deux, mais il y en a un à demeure. Et... On me demande, mais tu les payes combien? Je dis, mais c'est pas, on est dans des échanges de services. C'est-à-dire, ce sont des étudiants en cinéma, en fait, qui veulent profiter de mon carnet d'adresses. Donc, ils partagent ma vie, qui ont le privilège de dîner avec André Téchinet, Catherine Deneuve, et puis de toute mon expérience aussi du cinéma. Mes pieds ont calculé pour moi avec donc 50 longs métrages, 50 courts métrages, 50 téléfilms, et puis les publicités, les clips, tout ça. Je crois qu'on a dépassé 200 aujourd'hui. Moi, je suis habité par l'acteur que je suis, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je joue en permanence, j'aime le jeu au sens aussi où c'est ludique. Le comédien joue la comédie, un peu comme la comédia dell'arte. Hein. On en fait des tonnes, des fois. Si pendant 3 jours, j'ai pas été filmé ou photographié, je me filme moi-même ou je me photographie, car c'est un peu pour moi mon oxygène, l'objectif sur ma gueule. Mais c'est pas narcissique et c'est pas égoïste, c'est un don généreux que je fais aux autres. Et là, il y a des gens très gentils pour dire merci pour le cadeau. Oh, les gens sont méchants. Un jour, Besson est venu sur le tournage me dire « Jean-Christophe, ça va pour Taxi ?» Et les tournages de Taxi Le, « Oui, oui, ça va, pourquoi ?» Et je sentais qu'il se préparait quelque chose et ben voilà, il va y avoir 5 caméras sur toi et puis une grue qui va venir de très loin et on va terminer en gros plan sur tes yeux. « Ça va, Jean-Christophe ?» Je dis « Oui, ça, oui, au contraire. Ben oui, très bien, ça va très bien, oui, j'adore l'idée. » Et il se renseignait pour savoir si je ne vais pas avoir le trac, enfin, si ça allait. Mais c'était l'inverse, au contraire, j'étais ravi. Parfois, ça m'arrive même de faire des fausses caméras cachées. C'est-à-dire, en fait, de faire croire aux gens avec qui je parle dans la rue que c'est une blague, quoi. Je suis en train de déconner et que la caméra, en fait, est là-bas. Vous voyez à la fenêtre, là, au 5e étage? Non, je ne vois pas. Ben si, il y a une caméra, là, en fait. Et c'est bidon. C'est juste pour m'amuser. Ça rend la vie plus supportable et plus amusante. La vie, c'est dérisoire et... Autant s'amuser, bien bouffer, bien boire, bien baiser, et être bien copain avec Bouvet. Ouais, quelque chose de plus compliqué, un petit peu lacanien, c'est que je n'ai pas été reconnu officiellement par mon père. Donc, quand avec mon psychanalyste, on a parlé de cette reconnaissance, et que c'était important pour un comédien de cinéma d'être reconnu par le monde entier, évidemment, on a fait le rapprochement avec « ton père t'a pas reconnu, mais le monde entier te reconnaît ». Car enfin, grâce à ou à cause de Taxi, ma notoriété est internationale et immense. Je fais partie de ces acteurs dont on connaît la gueule, mais on ne connaît pas le nom. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes, dire votre nom et... Je m'appelle Jean-Christophe Bouvet. C'est mon nom d'état civil. C'est le nom de ma mère, en fait. Mon père s'appelle Christini. Et j'aurais aimé m'appeler... Christopher Christini. Vous gagnez combien d'un question cash? Ça dépend des mois. Je suis une pute. C'est prostituée et acteur, c'est pareil. Parce que les prostituées donnent leur corps. Là, on donne le corps et l'âme. Donc, c'est de la super prostitution. Oh ben non, c'est vraiment, ça dépend des mois. Il y a des mois, j'ai 0, 0, 0. Puis il y a des mois, allez, jusqu'à 3000. Et puis, mais tu sais, enfin, en comédie de théâtre, ça va. Je suis jamais allée rarement. À plus de 3005. Il y a un plafond hein, maintenant. Oui, 3008. Enfin, je crois. Peut-être un peu moins. Ou un peu plus, je ne sais pas. Un plafond. Oui. J'ai toujours su, à partir du moment où j'ai décidé d'être actrice, donc 19 ans, que je ne gagnerais pas vraiment beaucoup d'argent. Et je m'en suis toujours un petit peu fichue. Je n'aurais pas de voiture. Mais sinon, je m'en fiche un peu, honnêtement. Bon. Pourquoi certains jouent bien? Ce qui joue bien, c'est quand même ceux qui n'ont pas peur. Pas peur du vide, aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer comme dans leur chambre d'enfant, ils peuvent... C'est comme la peur du silence. Et tu sais savoir que dans tout cet espace-là, il y a tellement de choses qui peuvent advenir. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es? Ça va, la clope? Pardon, du coup, je suis... J'adore. Ah bon, d'accord. Alors, je m'appelle Anne-Élodie Sorlin, j'ai 43 ans, je suis comédienne. Je m'appelle Philippe Cobert, j'ai 67 ans, je suis comédien, je suis aussi auteur, puisque j'écris mes propres pièces, et je suis très heureux et... très touché par les questions qui m'ont été posées ou qui vont m'être posées. Je ne sais pas à quel moment de l'entretien cet enregistrement sera placé, mais voyez, peu importe. Il y en a beaucoup là. Ouh là là, comment je vais faire moi? Je ne sais pas, c'est quoi être comédien? C'est s'amuser? Pourriez-vous définir ce qu'est le comédien? Un enfant? Comment devient-on comédien? En s'amusant, en n'écoutant pas les parents et en continuant à s'amuser quand ils vous disent d'être sérieux et de faire des études, de leur dire oui, oui, oui, mais trahir sa parole. Pourquoi on veut être comédien? Pour plaire aux filles? Pourquoi on ne veut plus? Ça, je sais pas. Je peux pas répondre. Qu'est-ce qu'un bon comédien? Peut-être un acte, quand ça se voit pas, quand un acteur joue aussi bien que on croit qu'il est sincère, on voit pas qu'il joue. Au théâtre, comment se passent les répétitions? Bah moi, ça dépend. Alors là, vraiment, mes répétitions à moi, c'est très dur à monter mes spectacles. Donc c'est laborieux, par moments c'est un cauchemar, j'ai vécu des moments de cauchemar. Parce qu'alors en plus avec mes histoires personnelles, ma mère, machin, truc, j'ai vécu vraiment je suis tombé dans les pommes quoi, des moments d'horreur absolue. Douter absolument, mais qu'est-ce que je fabrique, encore à raconter l'histoire de ma mère, au bout de 15 ans, 20 ans, je suis complètement fou. Parce que je suis pas idiot, je suis conscient. C'est vraiment le public qui me sauve chaque fois. Les gens, ils rigolent. Je me dis, ah ben non, ça va. L'un de vos plus grands bonheurs en tant que comédien, c'est la rencontre avec Ariane Mnouchkine. On allait jouer dans les campagnes, ils ont monté nos textes. Les tournées, j'adore ça. Un peu l'aventure de la troupe, comme on peut l'imaginer, autour de Molière, c'était un peu ça quand même au départ. C'est une espèce d'énergie, on avait 20 ans, donc on était très... on répétait tout l'été, et après, en plein soleil, sur les tréteaux, et puis on jouait même parfois devant 4-5 personnes, mais on y allait, quoi. On faisait des parades dans les parkings de supermarchés avec notre trac qu'on avait fait nous-mêmes pour faire venir les gens. Voilà, et souvent on se heurtait avec des gens qui fermaient les volets, les persiennes, genre devant leur télévision, genre ça nous intéresse pas le théâtre. Mais on avait cette espèce de grand idéal, ramener le théâtre à la campagne. Et donc on faisait des... Effectivement, les gens vont revenir sur les places publiques, ils vont revenir au théâtre. On monte, on démonte... On sait ce qu'est une gélate, on sait ce que tu mets pour faire de la lumière. Un filtre, tout à fait. Enfin, t'apprends et tu mets la main à la pâte, quoi. Voilà. Tu cuisines, fais de la régie, oui, c'est vrai. C'était moi la cuisinière de la compagnie, je me suis ensuite... Riz, pâte, patrie. Mais voilà, non, c'était bien. Y a-t-il la concurrence? Oui, bien sûr, entre acteurs et actrices, elle s'exprime par tous les moyens. Même au Théâtre du Soleil, il y a une concurrence. Alors la concurrence du Soleil, c'est de plaire à Ariane. Voilà, il faut lui plaire. Alors il y a les moyens déloyaux qui est de lui plaire dans la vie, en disant tout, en répétant ce qu'elle dit, en étant toujours d'accord avec elle, même quand on trouve qu'elle dit des conneries, etc. Puis il y a une concurrence loyale qui est d'être bon en improvisation, de la faire rire ou de la toucher. Et cette concurrence-là, je m'y suis livré sans réserve. Parfois j'ai gagné, parfois j'ai perdu. Moi, j'ai jamais fait partie de la cour d'Ariane, jamais. En revanche, j'ai lutté contre Mario Gonzalez, contre Jean-Claude Pinchenat, contre Clémence Massard, et avec beaucoup de plaisir, et j'ai éprouvé une admiration sans borne pour ceux qui me battaient à plat de couture. Hein. Ça ne m'empêchait pas d'admirer l'adversaire, comme dans le sport. Hein, Mais ce qui est merveilleux dans le regard d'Ariane, c'est que c'est un regard d'enfant. Et donc, on faisait la course devant un enfant. C'était pour la faire rire, pour la... C'est ce qui fait aussi qu'il y a eu entre elle et moi une relation particulière, c'est que c'était pas du domaine de la courtisanerie du tout. Je l'aimais. Il y a des choses que je suis pas d'accord du tout avec elle et des trucs. Mais cette aventure a pris fin comment? Au bout d'un moment, Joséphine en a eu marre, hein, voilà. Et puis il y en a certains de cette compagnie qui finalement s'est retrouvé avec Jean-Christophe Meurice qui était dedans à faire les Chiens de Navarre. Donc ça a continué. Les Chiens de Navarre, c'est une compagnie qui a... Alors, je ne sais pas si vous avez galéré ou comment vous avez tourné. Puis, à un moment donné, il y a eu une forme d'explosion, de succès très, très grand. On n'arrête pas tri-ripate tout d'un coup. On peut s'acheter un steak de temps en temps. Non, parce que ça devient... C'est le théâtre aussi. Hein. Ce n'est pas le cinéma. Donc, ce n'est pas non plus... Tu souffles un petit peu. Tu n'es pas obligé de prendre un boulot à côté, par exemple. On se soucie moins de « je vais faire mes heures ». On ne s'en soucie plus. Tu es toujours partie des Chiens de Navarre aujourd'hui? Non, je suis partie. Pour quelle raison? Ça, j'en parlerai pas. C'est une séparation. Ouais, c'est une séparation. Bonjour, bonjour François Négret. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos débuts? Alors, j'ai commencé à faire du théâtre amateur à 15 ans avec Jean Bossé à la DEC à Rennes. Et j'étais un peu la mascotte, je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. j'ai connu la vie de troupe. J'ai appris à boire. Je suis parti à Paris et j'ai rencontré Claude Wolff, le fichier électronique du spectacle, à l'époque, qui m'a fait faire mon premier tournage, qui était... Le premier truc important, c'était Claude Santelli, la petite Berthe, Maupassant. Puis Brissot, De Bruyère de Fureur, 1987, c'est le premier à m'avoir fait confiance. Vous avez été vraiment... Enfin, moi, je me souviens de vous sur l'affiche de De Bruyère de Fureur, c'était donc en 87, c'est ça. Quel personnage vous étiez dans De Bruyère de Fureur ? Jean-Roger Roffy, le fils de Bruno Kremer, le fils parricide. C'est le rôle qui vous a fait connaître ? Ouais, ça enchaîne, Tinto Brass, Nagbar Budapest, ça a démarré très fort, et j'ai pas pu prendre, ou j'ai pas su prendre, en tout cas j'y suis pas arrivé à un moment donné, et j'ai bu de plus en plus, j'ai pris de plus en plus de produits, j'ai rencontré un nombre stupéfiant de produits. Et c'est pas un secret parce que j'en parle librement parce que j'ai tout arrêté il y a 14 ans. Et donc aujourd'hui ça va. Mais c'est violent, le cinéma, les gens qui viennent vous voir et qui vous flattent et qui vous brossent dans le sens du poil et qui vous interviewent, vous dites à quel point vous êtes formidable et comment. Et toutes ces paillettes là, tout ce monde. Du cinéma, donc j'ai tout flambé, j'ai tout dilapidé, y compris l'argent de ma mère qui est décédée en 94. Je tournais avec Peter Kassovitz et là ça a été vraiment le chantier, quoi. Voilà. Être comédien, ça fragilise ou c'est thérapeutique, les deux? Non, elles sont intéressantes vos questions, hein. C'est super, non, sans déconner, c'est... Être comédien, ça s'apprend, oui. Si oui, comment? Au Théâtre du Soleil. Je ne connais pas d'autres. Sinon, pourquoi? Ah, y en a qui l'apprennent dans la rue. Hein. Depardieu ou Alain Delon, ils ont appris ça dans la rue. D'ailleurs, il le dit, hein, Depardieu, quand il parle au début, il n'arrive même pas à parler quand il est arrivé à Paris, etc. Et donc, il y a une sorte d'animalité, de choses qu'il faut trouver. Delon aussi le raconte. Ouais, c'est... Mais comme par hasard, ils sont devenus des comédiens de cinéma. C'est un peu comme les boxeurs, ça vient de la rue, ça. Au cinéma, il faut que ce soit tout de suite. Là, je suis en train d'écrire ma biographie, je vous l'ai dit. Non, ça, j'ai un boulot d'enfer, là, parce que je vais avoir 80 ballets, donc j'ai de la route, hein, j'ai taillé la route, j'ai déroulé. Quand certains jouent bien, ont une bonne présence, sont acteurs, actrices, indiablement, et d'autres pas, c'est la grâce. Oui, la présence, oui, être juste, oui. Jean-Pierre Calfon, je suis comédien, ou acteur, ou musicien, ou chanteur. Ma vie, c'est ça, c'est le zigzag. Il y a aussi une part de... Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Vous nous avez commandé ? Vous voulez quoi ? Elle sait. Non, ça va, on l'a déjà... Je suis connu ici. Connu. J'ai commencé tard, acteur, parce que j'ai fugué de chez mes parents quand j'avais 15 ans et je ne savais pas ce que je voulais faire, rien du tout, quoi. Alors je suis barré en Belgique, après au bout de 3-4 mois, je me suis fait piéger par la police, on m'a ramené en France et puis après j'ai recommencé à fuguer dans tous les coins de France, en stop et tout, je faisais rien, quoi. J'arrivais pas, je suivais pas du tout en classe. J'ai même pas fini la troisième. C'était très dur, quoi, pour moi. Qu'est-ce que vous aimiez sur les plateaux de cinéma ? Plateau de cinéma ou plateau de théâtre, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est de jouer. J'aime bien jouer, voilà. Ouais. J'aime bien jouer. Mais je n'avais pas de culture, donc c'était très difficile pour moi. Les pièces, j'arrivais pas à les lire. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude de lire, c'est pas évident, quoi. Parce que ça me fatiguait au bout de 4 pages. je décrochais donc. Mais... Vous arriviez à lire les scénarios, vous aviez la vision d'ensemble. Les scénarios, aussi. J'ai eu de la chance de travailler avec des gens qui n'avaient pas de scénario. Godard, il nous filait le truc au dernier moment. Rivette, il y avait 7 pages pour L'amour fou. Le film, il dure 4h15, il y avait 7 pages. Qu'est-ce que vous pensez que les réalisateurs voyaient en vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'étais pas vraiment un acteur. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais. Je ne sais pas. C'est peut-être ma personnalité. Alors, en plus, peut-être parce qu'ils n'avaient pas envie d'acteur non plus conventionnel. Quoi. Ils sentaient peut-être une nature. Voilà. À mon avis, c'est ça. Hein. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire beaucoup plus. J'ai refusé beaucoup de films. Hein. Vous avez refusé comme projet? Oh, je n'ai pas la peine de le dire. Vous voyez ce que j'ai refusé avec Alain Corneau. Parce qu'il fallait encore faire le dealer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme j'étais bien dans la défense à l'époque, j'avais pas envie de me faire repérer. Toujours jouer le troisième couteau, le malfrat, le voyou. Bon, évidemment, je venais de ça. Hein. J'étais un peu voyou. J'étais en centre de délinquants en revenant de Belgique et tout ça. En Belgique, on m'a mis en prison. J'avais des faux papiers, ils croyaient que j'étais majeur. Donc, vous voyez, c'est... Après, j'ai tourné aussi avec Michel Cournot, avec Romain Gary, avec des gens extraordinaires. Avec des gens extraordinaires. Même Granier de Fer, Verneuil, tout ça, c'est pas des gens qui vous dirigent. Je pense que, vous savez, il y a une chose, je crois que c'est Renoir qui dit ça, mais je sais pas si, de qui ça lui vient. C'est la direction d'acteur, c'est de pas se gourer d'acteur. Parce que s'il faut expliquer à un mec ce qu'on veut, c'est mal barré. Moi, quand on m'explique trop des choses, d'un seul coup, je me dis, on me fait pas confiance. Donc, je commence à être déstabilisé, quoi. Il y a un moment, d'ailleurs, où j'ai été assez mauvais acteur au théâtre. J'ai entendu parler des trucs de Stanislavski, de la méthode, tout ça et tout. J'ai lu des trucs et je comprenais rien. Ou Brecht, la distanciation, des trucs et tout, je comprenais rien. Et j'essayais de le faire. Et là, d'un seul coup, je me mettais à penser au lieu de me lâcher. Quand on n'est pas équipé pour penser... Comment vos parents, votre amour, vos amis, vos enfants, vous aimez? Tout ce qu'il y a. Ça, c'est joli, ce métier, c'est mieux ailleurs. Dans d'autres pays, dans d'autres systèmes. J'aime bien, c'est toi qui as écrit ça. C'est joli. Je pense, enfant, quand tu te rêves comédien, tu te rêves dans un autre pays aussi. Parce que... petite, mes parents étaient assez absents, faut quand même, voilà. Et donc j'ai commencé vite à parler toute seule, ouais, et puis j'ai commencé à chanter, puis j'ai commencé à regarder des films de Jacques Demy, et puis j'ai commencé à vouloir danser dans la rue, chanter chez moi, m'enregistrer au piano, jouer du piano en train de chanter ou en train de danser. C'est une façon de jouer. Je fais des claquettes, moi, pendant 15 ans, et non, mais je veux dire, j'avais quand même ce petit... C'était peut-être parce que j'ai grandi en regardant les comédies musicales, mais je pouvais quand même me rêver à Broadway. Je pouvais quand même me rêver, pas forcément à Hollywood, mais je pouvais me rêver à New York. Je pouvais me rêver, tu vois, la beauté, tu vois, Ginger Rogers danser, t'as envie de danser comme elle. Le magicien d'Oz, tu vois, c'est un peu... Mais c'est un truc, ouais, le conte de fées, c'est une sorte de conte de fées, ouais. Mais vivant. Les aléas de la notoriété, comme n'exagérons pas, je ne les connais pas. Je ne suis pas assez célèbre pour les connaître. On me reconnaît dans la rue, oui, ça m'arrive, j'adore ça. Et j'ai ma blague favorite quand je suis avec une copine ou avec Véronique, ma femme, ou Teji, toi, tu es toujours cheminable. Non, regarde. On vous écrit, oui, on vous harcèle, pas assez. Quelle place tiennent les fans dans des... Une grande place. Je vous dis, ça, des fois, ça fait mes amoureuses et tout, donc... Carrière Hollywood, ça vous tente? Franchement, non. Franchement, Hollywood, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'actrice, de comédienne? Il y a beaucoup de choses, je pense. Au début, c'était la capacité de glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Parce que je trouve la vie quotidienne assez violente dans notre vie. Il y a beaucoup de beauté, il y a aussi beaucoup de violence, et parfois c'est difficile de vivre ça. Et après, quand on est actrice, on rentre dans le peau de quelqu'un d'autre. It's like an escape, un petit peu. Et c'est aussi une façon de connecter et comprendre aussi ces choses difficiles, parfois, que j'ai mal à accepter ou comprendre dans la vie autour de moi. Peut-être que je suis une cliché, en fait. Merde. Et aux États-Unis, quand vous dites que vous êtes actrice, les gens réagissent comment? Si je dis ça, évidemment, ils sont fascinés. Parce que c'est « Ah, Paris, je rêve d'aller à Paris, j'adore Paris, si c'est déjà venu. » Alors ça, c'est très exotique et c'est très excitant. Par exemple, quand j'étais à Los Angeles, ça, c'est quelque chose qui fascine les gens. Ou le fait que je fais du théâtre, ça, c'est comme de dire « je travaille sur Mars ». Surtout à Los Angeles, quand je dis pas d'ailleurs que je suis actrice, parce qu'après, les gens disent « Ah oui, alors on t'est vu dans quoi ?» Et si tu dis pas « about Homeland » ou un truc comme ça, ils ont absolument rien à foutre. Si je dis « Einstein on the beach », ah bon, c'est un opéra de 4h30 de Philip Glass et Bob Wilson. Ah, 4h30, waouh. Voilà, alors je préfère dire je suis une étudiante d'anthropologie. Parce qu'il ne veut pas parler de ça non plus. C'est une chance de faire le métier que je fais, et c'est vrai que j'ai un peu mal à baisser les bras et dire « je suis actrice, alors à tout prix je veux être une star à Hollywood, et alors j'accepte de faire, je sais pas, le zombie pute dans une série télé, parce que c'est ça qui est là et qui me propose. » C'est non, je peux pas dire que je suis prête de faire tout à tout prix pour... Vous, est-ce que vous pourriez vous décrire? Pardon? Est-ce que vous pourriez vous décrire physiquement, mais pas seulement. Physiquement? Ah, comme quand je suis dans le casting. Je suis Kate Moran, je suis 1m77. J'ai les yeux verts, bruns, les cheveux mi-longs. C'est quoi? Corps... droite. Alors, l'ailleurs. Théâtre, télé, quel âge tu peux faire travailler? Le matin, j'ai arrêté de fumer, ça ne me plaît pas, mais j'ai fait. Être comédien, c'est se cacher en s'exposant. Quoi d'autre? Non, c'est s'exposer. Une page blanche où chacun se projette. Quels sont les innombrables facteurs qui concourent à ce qu'on vous choisit? Le physique, la présence, le talent, la chance, la séduction? Oui, ça oui. La chance, la séduction, oui. Ah ben, il faut plaire pour obtenir un rôle. Là, je parle au cinéma. Enfin, les acteurs sont des putes. Non, c'est un raccourci. Mais bien sûr, il y a une parenté, je trouve étroite, entre le métier d'acteur et le métier de prostituée. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est une condition. C'est qu'on peut choisir momentanément. Moi, quand j'étais jeune homme, je me prostituais. Quand j'étais jeune homme à Aix, que j'avais pas de fric, je couchais avec des filles qui me plaisaient pas, mais qui m'hébergeaient à l'hôtel et qui me... En plus, j'aimais ça. J'aimais ça. Et la religion avait raison à une certaine époque de ne pas enterrer en terre chrétienne. C'est Michel Faux qui le dit, il a une nostalgie poétique comme ça de cette époque où on n'enterrait pas les comédiens en terre chrétienne. Il a raison. C'est indécent d'être comédien. C'est pas un statut vraiment honorable sur le plan bourgeois. C'est, ça s'apparente à la dépravation, ça s'apparente à l'érotisme, ça s'apparente à la prostitution. Et on peut en tirer une certaine fierté, comme c'est mon cas. Comment circule le désir entre le réalisateur et l'acteur? C'est essentiel. Et je ne suis pas sûr que j'ai connu vraiment une expérience de cinéma parfaite sur ce plan-là. Et c'est logique, j'ai fait que 3 films dans ma vie. Et je sais pas, ça c'est mystérieux, on peut pas savoir, hein, on peut pas juger le désir de l'autre, mais c'est pas un manque de désir de moi, parce que moi j'ai vraiment, les films que j'ai faits, c'est avec un désir total, quoi. Donc peut-être c'est un manque de désir de l'autre, je sais pas. C'est possible. Cours privé, qui est un film qui était important pour moi, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. J'ai tout fait pour l'avoir, ce film, et ce personnage que j'ai. Un très grand public. Moi, je me souviens de cette affiche, quand j'avais été en province. Cette affiche, c'est cette femme, ce corps nu, du genre tu me vois, mais ne me regarde pas. Donc, c'était d'ailleurs le slogan qu'il y avait sur l'affiche, c'est proprement me regardez pas. C'est les années 80, c'est une affiche, c'est vous. Elisabeth Bourgine. Quand j'ai rencontré Pierre Garnier-Defer pour ce personnage, j'étais en jean avec un débardeur large, voilà, comme ça, les cheveux à mi-long. Et il m'a fait marcher. Et c'était dans les bureaux de la production, il y avait un énorme miroir et de la lumière. Je me souviens, beaucoup de lumière qui passait par les fenêtres. Et il me disait marchez, marchez. Je marchais. Il me regardait. Et il me parlait du personnage, Jeanne Kern, qui est une femme qui est professeure. Elle est belle, elle est bien faite, elle est souvent nue, et elle essaie de comprendre qui est cette personne à l'intérieur de ce corps. Et puis à un moment, j'avais les cheveux un peu longs, donc je bouge mes cheveux, et il me dit « Ah, mais vous pourriez avoir l'air d'un petit garçon si vous aviez moins de cheveux, les cheveux plus courts. » Je lui dis « Oui ». Et puis voilà, puis il me dit rien d'autre, et puis « Merci beaucoup, à bientôt ». Et quand je suis redescendue des Champs-Élysées, je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait couper les cheveux très très courts. Et puis j'ai appelé Pierre Garnier-Defer et je lui ai dit « Bonjour, je voudrais absolument vous revoir ». Il m'a dit « Ah bon, pourquoi ?» Je lui ai dit « Parce que je veux vous montrer le personnage ». Il m'a dit « Bon, bah, très bien ». Il m'a donné rendez-vous chez lui. Je suis arrivée, j'ai sonné, il interphone, il m'a dit « Bonjour, qui est là ?» Je lui ai dit « C'est Jeanne Kern ». Il m'a dit « Bah, montez, premier étage ». Je suis montée doucement parce que j'avais quand même le trac. Hein. J'avais mes cheveux tout courts. Mais vraiment, il n'y avait plus qu' 1,5 cm. Hein, et il était sur le palier, il m'a accueilli, m'a regardé. Oui, ça y est, j'ai mon personnage, c'est vous. Séduire pour un rôle. Raconter une anecdote drôle, c'est drôle. Une anecdote terrible. Je fais ce métier pour être regardée. Oui, je pense que je fais ce métier pour être regardée, oui. Il faut être honnête. Hein. En fait, je m'en rends compte. C'est-à-dire que je c'est pas conscient. Je me dis pas consciemment, je veux qu'on me regarde. Mais je suis quelqu'un de, par exemple, pudique, physiquement, dans la vie, et j'ai fait souvent des rôles où j'étais assez très impudique totalement, ou même nue, enfin voilà. J'ai travaillé avec la nudité, alors que je suis du genre à rêver encore petite, à tirer sur mon t-shirt, parce que je veux pas qu'on voit mes fesses. Enfin bref, j'ai un rapport très pudique au corps dans la vie, mais pas sur scène. Donc, je me suis dit, ça veut dire que j'ai envie d'être regardée. Il y a quelque chose qu'on appelle ça quand on... De l'exhibitionnisme, c'est obligé. Bon, voilà. Forcément, je pense qu'il y a quelque chose d'exhibo, c'est pas possible autrement. Parce... C'est quand même très bizarre d'être si pudique dans la vie et d'adorer être nue sur scène, c'est quand même très... Il y a quelque chose... Je pense que je règle rien avec ça, c'est juste que... Je pense que c'est s'amuser avec ses propres paradoxes aussi, quand même, effectivement. Est-ce qu'un rôle vous a déjà mis en danger? Et si oui, comment? parce que vous êtes plutôt théâtre ou cinéma. Être comédien, est-ce que c'est se cacher ou s'exposer? Apparaître tout en gardant une part de mystère. La solitude des acteurs existe-t-elle? Citer une qualité, voire la qualité, nécessaire pour être comédien. Je sais que encore maintenant on m'en parle de ce film, de gens qui ont vu l'affiche seulement ou qui ont vu le film et que ça a marqué terriblement. Énormément de gens, c'est quand même 86, on est en 2018, et qui m'en parlent encore en me disant j'ai toute ma vie cherché une femme comme vous. Dans toutes les femmes que j'ai rencontrées, j'ai dit mon Dieu, c'est terrible. Et puis d'autres qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas osé me rencontrer parce que justement ils avaient peur de ça. C'est vrai que les gens voulaient ça. Ça a été tellement fort qu'il y a des gens qui n'osaient même pas m'en parler. Mais c'est un beau personnage, je l'aime beaucoup. Mais je pense que ça laisse des traces sans arrêt. C'est-à-dire que chaque personnage, il y a des personnages qu'on a du mal à quitter. Est-ce que c'est un métier dangereux ? Oui. Les risques du métier, ce sont des risques psychologiques, oui. Oui. Quand vous jouez, vous transfigurez, ça, certainement. Ça, je suis les hommes, les femmes, les enfants, les vieux aussi. Quel est l'art d'être acteur ? Ben, ça, c'est un art, c'est sûr. Être acteur, c'est un art, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est juste une profession, c'est chiant. Si, bien sûr, c'est aussi une profession, c'est aussi un artisanat, c'est aussi une condition, mais c'est d'abord un art. Si c'est pas un art, aucun intérêt. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Ariane Mouchkine, c'est qu'être acteur, c'est un art. Comme d'être sculpteur, ou d'être peintre, ou d'être écrivain. Bon, mais d'autres l'ont écrit, hein. Meyerhold, Coppo, Grotowski l'ont formulé, verbalisé, etc. Mais si c'est pas un art, c'est pas intéressant. Si c'est un métier, une profession, franchement, je préfère un autre métier. Une qualité pour être comédien, il en faut beaucoup pour être comédien. Une seule, ça suffit pas. La qualité primordiale, non, il en faut plein. Mais il faut des défauts aussi, hein. On est aussi comédien par manque de quelque chose. Quelle personnalité faut-il pour être acteur ? Bah, il faut être versatile, double, multiple. Ouais, il faut être multiple. Vous faites ce métier pour être regardé, oui, et entendu aussi. Et entendu, pas juste regardé, non. Pour être écouté et entendu. Est-ce qu'on te dit de ta voix ? On me dit qu'elle est atypique, qu'elle est particulière, qu'elle est très aiguë. Après, moi, j'ai l'habitude d'entendre ma voix quand même depuis longtemps. Je fais des enregistrements, je chante beaucoup depuis petit. Et du coup, j'ai l'habitude. Donc, c'est pas... De toute façon, moi, c'est ma voix. Donc, à partir du moment, il faut que ce soit les autres qui me disent que c'est étrange pour que ça me devienne. Mais... Je me suis souvenu que nous nous embrassions en silence. Je me suis souvenu que nous ne disions jamais rien de ce que nous éprouvions l'un pour l'autre, parce que nous savions que c'était une vérité établie, une fois pour toutes, indiscutable. Je me suis souvenu de la lenteur, oui, des gestes lents, et des abandons. Maintenant, je regarde le néon de l'hôtel Solferino qui clignote. Cet automne ressemble à l'hiver. Les draps sont froids. Je sais qu'une fois de plus, le sommeil tardera à venir, mais je m'endormirai avec le visage de Lucas. Et demain, je me réveillerai avec lui. De la maison de San Donato que j'avais fermée l'été dernier. Les fenêtres laisse entrer les champs d'olivier, les terres que je revois. Bonjour Yuming. On est venu te voir à Théâtre Ouvert. Tu répètes une pièce s'appelle Un garçon d'Italie. Oui. D'après Philippe Besson. Il y a la question du genre. Je crois que toi, tu travailles sur cette question-là, puisque tu es un homme. Tu peux aussi jouer des rôles de femme, ou tu peux en avoir l'envie, le désir. Ouais, énormément. Et d'ailleurs, depuis que je fais du théâtre, je fais des rôles à la fois de femme et à la fois d'homme. Enfin, c'est pas une question que j'ai envie de m'interdire. Je jouerai les rôles que j'ai envie de jouer. En plus, moi, je tombe amoureux vraiment du texte. C'est pas du tout peut-être de personnages, mais tellement pas du sexe ou de. Je regarde jamais ça. Les mots n'ont pas de genre. Ouais, les mots n'ont pas de genre. Au conservatoire, on a joué Phèdre. Nada Strancar m'a permis de jouer Phèdre. C'est génial parce que c'était ces mots-là que j'avais envie de dire et c'est vrai que c'était pas d'autres mots, quoi. Tu t'appelles Yuming A, mais tu t'appelles aussi Aurélien Feng. C'est important pour toi, dans ta trajectoire et dans ta trajectoire d'acteur, de changer de nom. Ouais, moi j'aime bien qu'on m'appelle Yuming A dans le travail, dans tout ce côté artistique et tout ça, parce que c'est des mondes différents, quoi. Et j'aime bien quand je suis rentrée à la maison qu'on m'appelle Aurélien, quoi. Avoir un autre nom, un pseudonyme, ça donne de la liberté pour travailler. Moi, je dirais plutôt de prendre de la distance. Enfin, ça me permet de ça, de prendre de la distance. Donc, on va lire des critiques où on est extraordinaire, où on est génial. Et c'est des mots toujours un peu trop forts. Ou alors, on est... c'est la catastrophe absolue, c'est casting presque parfait à l'exception de lui. Tu as vécu les deux situations. Ouais, ma toute première critique que j'ai eue, c'était ça. Casting presque parfait à l'exception d'Aurélien Feng. Le changement de nom, il n'y a pas de là. Non, voilà, du coup, j'ai changé de nom. Non, c'est pas vrai. Comment évolue la cote d'un acteur? Est-ce que vous recevez des projets? On vous appelle? C'est vous qui appelez? Ça se passe comment? Bon, toujours pareil, c'est des questions pour les acteurs qui vivent à côté du téléphone, comme on dit. Quoique maintenant, le téléphone nous suit, mais je le connais aussi. Je le connais comme, puisque moi, mais j'ai des périodes où je suis plus à la mode, des périodes moins à la mode. En ce moment, c'est plutôt à la mode. Puis je suis remonté grâce à Fabienne Pascaud. C'est beaucoup les journalistes, Libé, Le Monde. Face, moi, ouais. Je dis pas que je m'en fous, hein, je m'en fous pas du tout, je les lis, etc. Vous voyez, je les découpe. Vous voulez devenir célèbre? Oui, je pensais qu'à ça. Mais, alors, ça c'est important, c'est intéressant. J'ai fait ça pour la gloire, moi. Célébrité, c'est passer à la télé. La gloire, c'est que les gens qui vous ont vu travailler ne vous oublient jamais. Donc, tout ce que je fais, c'est pour la gloire. C'est vraiment... Plus qu'être aimé, c'est rentrer dans la tête des gens, rentrer dans leur sensibilité, rentrer dans leur mémoire. C'était sur les Champs-Élysées, c'était au Virgin Megastore. J'avais 15 ans, au moment où on m'a arrêté dans la rue, j'avais 15 ans. Je faisais du théâtre à l'école. Et j'avais envie d'être acteur, Pascal comme j'avais Servant. Envie d'être chanteur, comme j'avais envie qu'on me regarde ou de passer à la télé, quoi. Et avec les potes avec qui je faisais du théâtre, on se prenait en photo toute la journée, on faisait... Donc voilà, pour nous c'était l'endroit où les choses pouvaient arriver. C'est Sunset Boulevard, c'est la même chose, c'est le Sunset Boulevard français. C'était l'avenue des Champs-Élysées, c'était l'Arc de Triomphe, on habitait en banlieue et ce qu'on voulait c'était rencontrer des gens. Donc on traînait autour du Fouquet's, d'ailleurs on voyait des comédiens connus de temps en temps, ça arrivait. Et on était hyper contents, pour nous on se disait on est au centre du monde, c'est là que tout se passe. J'ai jamais revu la jeune femme qui m'a arrêté dans la rue. Donc je me souviens que cette jeune femme est venue vers moi. Je regardais un album de Vanessa Paradis que j'hésitais à acheter parce que je n'avais pas forcément l'argent. Et donc elle m'a demandé si j'étais d'accord pour passer un casting. Elle m'a donné une feuille avec un rendez-vous. Voilà. J'ai chargé de repérer des jeunes gens de 15 ans notamment. Oui, elle faisait du casting sauvage, comme ça se faisait beaucoup à cette époque. C'est vrai que c'est difficile pour moi maintenant de me replonger là-dedans. Je sais juste que ça a été un choc, mais pas pour moi. Je pense que ça a été un choc pour mes parents et tout ça. Mais parce que je rentrais un peu brutalement dans un monde d'adultes, quoi. Donc, et en plus, un truc éloigné un peu de tous mes repères habituels. Enfin, voilà, il n'était pas question d'école, pas question de... Enfin, je sais pas comment dire, c'était quelque chose qui se rapprochait d'une idée un peu de la liberté et du plaisir, quoi. Mais au début, je me suis juste laissé porter. On me demandait de faire quelque chose, je le faisais. Je me souviens de m'être posé la question sur les amoureux le premier jour de tournage. Ça, je m'en souviens très très bien. Parce que je me laissais porter, je me posais pas de questions. Et le premier jour, il y avait une cuisine, il y avait un porte-manteau, je devais rentrer à la maison de l'école. Et je me suis juste arrêté un moment avant quand j'ai entendu le moteur, enfin le truc qu'on connaît par cœur du cinéma, moteur, action, tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? On m'a rien expliqué, on m'a rien dit, quoi. Et je suis là devant mon porte-manteau à devoir rentrer de l'école. Mais j'ai pas eu le temps d'avoir des états d'âme. Après, il faut y aller, hein. Donc ça a été. Mais je me souviens de ce moment-là très très précisément. Je me dis, on m'a rien expliqué, je n'ai rien appris et je me retrouve à faire quelque chose et je ne sais pas pourquoi j'ai le droit de faire ce truc-là. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, gros plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, deux, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Moi, j'ai jamais travaillé, par exemple, dans une ambiance où je sentais que j'étais pas aimé. Où ça m'est arrivé très rarement. Et quand ça m'est arrivé, j'étais très malheureux et je pouvais pas vraiment travailler, je pense. Je pense que j'étais au service minimum. Et je pense que cette question de la circulation du désir, dans mon parcours, elle est essentielle. C'est-à-dire que moi, dans tous les films que j'ai faits, généralement, j'ai senti que j'étais désiré. J'étais à la bonne place. Même si ça ne veut pas dire qu'on doute pas et qu'il n'y a pas des moments où on est complètement flippé et tout ça. Hein. C'est juste que quand même... dans le travail, dans le tournage, tout ça, il y a quand même la nécessité de sentir qu'on est désiré. Enfin, moi, j'ai du mal à... Je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment eu l'expérience d'être confronté à une absence de désir absolu, de venir là et de faire son métier, sans sentir de désir. Moi, je sais que dans mon parcours, j'ai besoin de sentir ce désir. Il peut se manifester de plein de façons différentes, mais j'ai besoin de sentir quelque chose qui est de l'ordre du désir. C'est juste sentir complet. Pour X raisons, se sentir complet. Si c'est mon seul curseur. Enfin, alors ça peut pas. Je vais peut-être avoir honte en me réécoutant d'avoir dit ça, mais j'ai l'impression que c'est mon seul radar, quoi. C'est mon seul guide. C'est un truc de peau, c'est une histoire de peau, de voix, de. Je ne sais pas. C'est presque érotique. Mais moi, je trouve que c'est très érotique le cinéma. c'est extrêmement érotique. Je pense que si je fais du cinéma et si j'aime ça, c'est que je trouve ça érotique. Autrement, je n'en ferais pas. et c'est pas du tout. Évidemment, c'est le regard des réalisateurs et des réalisatrices, mais c'est la caméra. Moi, là où je. Plus ça va, plus j'ai de plaisir à être filmé. J'adore être filmé. Hein. Et j'adore être filmé parce qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. Moi, ce que je recherche chez les réalisateurs, c'est de l'attention. Et si je repère qu'un réalisateur n'est pas attentif, bah, y a quelque chose qui s'écroule en moi. Quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui est attentif. Et ça, c'est du désir d'être attentif. C'est même de l'amour. Mais moi, ce que je recherche en tant qu'acteur, quand je fais des films, c'est ça. C'est cette attention au monde. Et ce que m'apprend Laurent Achard, Paul Vecchiali, Pierre Léon, tous ces gens formidables avec qui j'ai travaillé, vraiment, que j'aime énormément, c'est qu'ils m'ouvrent les yeux sur certaines choses du monde. Qui sont, et c'est leur regard, mais ils me le font partager. Le temps d'un film, et après, bien après, c'est ça qui continue. C'est pas le personnage qui continue en moi, c'est leur regard sur les choses qui continue en moi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le vrai intérêt pour moi de faire du cinéma. Pourquoi c'est addictif ce métier? Parce que c'est un plaisir. Et comme tous les plaisirs, c'est addictif. Est-ce que c'est une drogue? Oui, oui. Ah oui, c'est une drogue. Vous avez le trac? Oh oui. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça, c'est bien. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, par exemple. Ça, c'est assez dur. Mais là, on va rentrer dans les trucs, c'est pas... C'est vieillir, quoi. C'est la mort. Première fois, on va me proposer, si je continue dans ce métier, à jouer ma propre mort. Ouais, ça me ferait... L'idée de vieillir... Enfin bon, j'ai vu dernièrement une photo de Sophie Marceau sur une affiche de bus. On dirait qu'elle a 30 ans, c'est génial, hein. Moi, je l'aime bien, Sophie Marceau, mais c'est quand même très bizarre d'avoir l'air... Elle a 10 ans en moins, elle en a quand même 25 en moins en ce moment, quoi. Quelle trace laisse un rôle en vous? Comment vous trouvez-vous physiquement? Ça dépend. Quand j'étais jeune, je me trouvais beau. J'étais très beau quand j'étais jeune. Alors maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On ne me trouve jamais assez beau parce que comme j'étais très beau, je sais ce que c'est que d'être beau. Donc je ne peux plus tricher. Pourriez-vous vous décrire? Ça, c'est compliqué. Mais enfin, si on, en général, si on est bien filmé, on se trouve plutôt beau quand même, pas déconner. J'essaie de répondre sincèrement. Hein, alors maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de film, je ne sais pas. Puis on se trouve toujours trop vieux, trop... Ouais, on est narcissique hein, quand on... C'est comme devant sa glace, quoi. Comment un réalisateur dirige un acteur? C'est tout l'art. Ça ressemble un peu à la direction d'une troupe, c'est Karajan, il y a une phrase aussi qui m'avait frappé, il disait « Diriger un orchestre, c'est comme diriger un vol d'oies sauvages ». J'avais trouvé l'image magnifique, c'est-à-dire comment on dirige un acteur comme un animal. Il faut le diriger comme un animal ou comme un enfant, c'est-à-dire il faut lui faire faire des choses sans qu'il s'en rende compte, sans qu'il soit... Mais ça peut aussi être en lui faisant du mal, hein. C'est Piala diriger merveilleusement les acteurs et en les traitant mal ou... Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, c'est le western. Comédien, c'est le plus bêtis du monde, ouais. Sans aucun doute. Et merci pour la question. Elle me touche beaucoup. Merci à vous. Merci. Même si elle ne s'adresse pas qu'à moi, elle me touche beaucoup. Mais les saluts, c'est bâtard un peu, parce qu'on est quand même encore en représentation, c'est réglé, donc on doit effectuer encore quelque chose de manière un peu... plus décontracté que quand on rate pas trop les saluts, quoi. Enfin, on peut se tromper dans un salut, mais c'est beaucoup moins grave que si on se trompe dans une réplique ou dans une action, que si on bafouille. Oui, c'est une espèce de... Voilà, c'est un protocole, je sais pas, c'est... Ouais, c'est plutôt... Comédien, le plus beau métier du monde. Oui. Oui, alors, je m'appelle Anne-Élodie Sorlin. Une série documentaire de Julien Thève et Angélique Thibault. Aujourd'hui, dans le désir de l'autre, avec Philippe Cobert... Jean-Pierre Calfaux, Elisabeth Bourgine, Kate Moral, Jean-Christophe Bouvet, Anne-Élodie Sorlin, Pascal Cerveau, François Négret, Yuming Hei, Michel Escot, prise de son Laurent Lucas, mixage Manuel Couturier. Merci à Stéphanie Girard, Sigrid Alnois, Mathieu Orléans et François Prodromides. J'ai fait une lecture cet été à Avignon justement avec Isabelle Adjani. Et puis on a fini la lecture et là c'est elle hein, qui produit ça parce que c'est vraiment quelqu'un de assez fascinant dans le... Et là ça a été une standing ovation immédiate, mais c'est quelqu'un qui produit ça je crois, donc voilà. Donc je sais pas, il y avait même pas de rappel, on restait parce que les gens étaient debout, donc on n'osait pas sortir. C'est quoi être comédien? J'aime bien le truc d'Artaud, l'athlète affectif, mais je me sens pas du tout athlète. C'est plutôt l'handicap affectif. Comment vous faites avec l'argent? C'est galère. les hauts, les bas. C'est, en même temps, ça rejoint, oui, la condition du comédien, c'est la condition humaine, donc ni plus ni moins, quoi. Ça rappelle aussi, j'aime bien les fêlés, parce qu'on voit, on voit la lumière qui passe à travers. Ça peut rappeler ça. C'est-à-dire que... Bah, et puis ça rappelle ce titre de Fitzgerald, La fêlure. En fait, c'est ça que les... C'est ça aussi que la caméra enregistre, peut-être. La lumière. Ouais. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez un autographe, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour les jours de chômage ou nous réécouter sur les planches, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram pour voir dans la radio. Demain, dernier épisode, quand jouer ne va plus de soi. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs et qui vient même d'inaugurer une plage réservée aux documentaires audio. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.